Chapitre 10. Où Roland retrouve son latin et où le diable perd le sien. Je ne puis pas vous dire ce qui se passa, mes enfants. Roland lui-même n'en a pas gardé souvenir. Dès qu'il eut repris ses sens, il se leva, jeta les yeux autour de lui et se vit au milieu d'une plaine de sable qui se perdait de tous côtés à l'horizon. Le soleil lançait sur lui des rayons hostiles qui, en peu d'instants, rendirent son armure brûlante et insupportable. L'air était chargé d'une telle quantité d'électricité que les plumes de son casque faisaient entendre des pétillements et lançaient des étincelles. En vain, il chercha à l'horizon un point de repère. Partout, la terre plane et le ciel bleu. D'énormes fourmis rousses allaient et venaient affairées. C'étaient les seuls hôtes de ce désert. Tout à coup, il vit en face de lui, dans le lointain, de blanches mosquées, des bouquets de palmiers, un port de mer, des vaisseaux à l'ancre et d'autres prêts à sortir du port, et de longues caravanes qui se croisaient aux portes de la ville. Roland sentit son courage renaître et il se mit à marcher dans cette direction. Mais il ne lui semblait pas qu'il approchât du but. Il se mit à courir et tomba de lassitude sur le sable brûlant. Alors la ville prit un ton plus jaunâtre, le bleu de la mer devint plus clair et se confondit avec le bleu du ciel. Les arbres s'effacèrent et le comte Dumont se retrouva de nouveau dans la solitude. « À quoi bon rester immobile ? » se dit-il. « Marchons dans la première direction venue, je ne puis que gagner au change. » Il se releva, résolu à avancer tant que ses pieds pourraient le soutenir. Et quelle ne fut pas sa surprise en voyant au côté opposé à celui vers lequel il se dirigeait d'abord une montagne couverte de verdure au sommet de laquelle s'élevait une forteresse. Trois murs d'enceinte la protégeaient. Au pied de chacun d'eux roulait un fleuve couvert de vaisseaux de guerre. Trois escaliers suspendus d'un travail merveilleux reliaient entre eux les trois étages de la forteresse. Quatre bastions fortifiaient l'abord de chacun d'eux. Roland se remit en route, mais à mesure qu'il avançait, la forteresse s'élevait dans le ciel, et au bout d'une heure de marche, il se trouva de nouveau n'avoir devant lui que l'horizon désert. Alors le découragement le prit. Il s'agenouilla, fit le signe de la croix et versa quatre larmes, les premières qu'il eut versées. Elles tombèrent sur le sable et y creusèrent quatre sources d'une eau fraîche et limpide. Roland y puisa de nouvelles forces et, ayant remercié Dieu, il s'apprêtait à se remettre en marche lorsqu'il remarqua avec surprise une grande fermentation dans le sable. De petites vagues poussiéreuses commencèrent à s'agiter dans toutes les directions, et cependant l'air était toujours immobile. Puis le sable se mit à tournoyer sans relâche, traçant un large cercle à peu de distance de notre héros. En tournoyant, il s'amoncelait et se précipitait, entraîné vers le centre par une force d'attraction effrayante. On eût dit qu'un polype gigantesque aspirait tout le sable du désert. Au bout de quelques minutes s'éleva, en tournoyant toujours, une colonne qui grandit à vue d'œil et dont le sommet se perdit bientôt dans le ciel. Un vent brûlant semblable à l'harmattan des côtes de Guinée s'éleva, faisant voler le sable de tous côtés. Le soleil devint rouge comme la fonte en ébullition. La colonne de sable s'écarta de son rayon d'attraction et s'abîma sur le désert avec un sifflement effroyable. Roland ferma les yeux, mais il ne recula pas. Il entendit un immense éclat de rire et porta instinctivement la main sur la poignée de son épée. Ce qu'il vit le décida à la sortir du fourreau. En s'écroulant, la colonne avait formé un monticule dont la base décrivait un cercle immense. Au centre, ensablé encore jusqu'à la ceinture, Roland vit avec surprise un colosse effroyable. C'était Iblis, le diable des Orientaux. Permettez-moi de vous le présenter. Sa seigneurie avait 100 pieds de haut, ce qui est une taille respectable, même pour un démon de première classe. Sa peau noire, zébrée de rouge, était couverte d'écailles microscopiques qui la rendaient luisante comme une armure. Ses cheveux étaient longs et si crépus qu'un boa s'y fût égaré. Son nez écrasé était traversé par un anneau admirablement travaillé, comme on en voit aux buffles des campagnes de Rome. Ses dents blanches, incrustées de pierreries, prêtaient à son sourire un éclat irisé des plus étranges. Ses petits yeux prenaient l'une après l'autre toutes les nuances du prisme, ce qui rendait son regard impossible à soutenir. Ses oreilles, en tout semblables à celles de l'éléphant, lui pendaient sur les épaules. Malgré tout mon désir de faire du pittoresque, je dois à la vérité de dire qu'il n'avait pas de cornes, mais en revanche, il avait une queue de 60 pieds de long, terminée par une main crochue qui vous eût pris l'obélisque comme un cure-dent. Iblis n'avait pour tout vêtement que ses ailes, de grandes ailes velues et souples à merveille, dans lesquelles il aimait à se draper. Ajoutez une lueur phosphorescente courant sans cesse sur la peau de ce monstre, et vous comprendrez aisément que Roland est tiré du randal du fourreau. Le démon se tordait. « Sur l'honneur, je n'étends jamais ri de toute mon éternité. Sais-tu, petit, que tu viens de faire là un coup de maître ?» Ce ton familier déplut à Roland. « Je viens de rencontrer Mahomet. Tu lui as cassé 5 dents de devant. J'ai vu bien des prophètes, mais, foi de maudit, je n'en ai jamais aperçu d'aussi furieux. J'ai, pour célébrer ce Orion, accordé 3 jours de congé à l'enfer. Il y aura concerts, festins, bals, chasse à cour et spectacle. Je fais préparer par un de nos auteurs fameux une petite comédie dans le genre d'Apollodore. Au dénouement, Mahomet recevra 100 coups de bâton. J'ai donné des ordres à toute la marmitonnerie et tu peux entendre d'ici un bruit de casserole tout à fait réjouissant. Je tiens à te faire voir que nous ne sommes pas aussi arriérés qu'on le prétend. Tu retrouveras d'ailleurs parmi nos convives quelques-unes de tes anciennes connaissances. Nous avons en ce moment fort bonne compagnie. Ma femme, une gaillarde, sera charmée de te connaître. Viens avec moi, je veux te présenter à elle comme le meilleur de mes amis. Butor, dit Roland peu flatté de ces marques de tendresse, qui t'a donné le droit de me parler de la sorte? Iblis, peu habitué à s'entendre traiter ainsi, resta muet de surprise. Par les cornes de mon père, dit-il au bout d'un instant, je dois avoir mal compris. Donne-moi la main, Roland, pour qu'il ne me reste aucun doute. » Et le diable tendit la queue au chevalier qui fit quelques pas en arrière. « Ah ça, pygmée !» dit Iblis, aussi pâle de colère qu'un nègre le peut être. « Je vais te faire rentrer sous terre. Me crois-tu taillé dans la même étoffe que Mahomet ?» Roland prit son second gantelet et le jeta au visage d'Iblis. « Les deux font la paire, » dit le neveu de Charlemagne en se mettant sur la défensive. « Zakum zim zim galarabak !» s'écria le diable, ivre de rage. « Vous saurez, mes enfants, que c'est là le plus formidable juron qu'on puisse prononcer en sarrasinois. » La terre s'ébranla, s'ouvrit sous les pieds de Roland qui se sentit rouler dans l'espace. Son armure devint glacée. « Si j'en reviens sans rhumatisme, se dit le preux, j'aurai vraiment bien du bonheur. » Il entendit autour de lui des battements d'ailes. C'était une troupe d'Afrites, de djinns et de djinnes. « Réfléchis, Roland, il en est encore temps. Mahomet est prêt à te pardonner. » Pour toute réponse, Roland entonna le cantique « Subtum presidium confugimus ». « Encore quelques instants, et ton corps va se briser sur la terre, Rappelle-toi les merveilles que le prophète offre de partager avec toi. Sancta Dei genitrix nostras deprecationes ne despicias. Continua Roland. Et il lui sembla qu'au lieu de rouler au hasard dans l'espace, il voyageait doucement porté. Le cœur des Afrites et des djinns s'était éloigné. Cependant, on entendait encore un battement d'ailes. Rassure-toi, dit une voix si harmonieuse que Roland frissonna en l'entendant. Je suis l'archange Michel, et Madame la Vierge m'envoie vers toi pour te secourir. Elle a été touchée de ta constance et charmée de ton courage. Repose en paix entre mes ailes. Dans un instant, nous serons sur terre. En effet, au bout de quelques minutes, le comte Dumont, tout étourdi, arriva devant Saragosse. Il était en prière dans sa tente lorsqu'il entendit la voix de Miton. « Cher Roland, êtes-vous là ? » criait le comte de Rennes, inquiet. « Me voici, » dit le preux en courant au-devant de son ami. « Charlemagne, qui sait combien vous êtes ponctuel, vous voyant de 10 minutes en retard pour prendre votre service, vous fait chercher de tous côtés. Vous êtes pâle, cher comte, que vous est-il arrivé ?»« Je vous conterai tout cela, » dit Roland en courant à son poste auprès de l'empereur.